qu'est-ce qui va pas? Y a jamais eu tant de chagrin dans ta voix. Et le mariage est pour demain. J'ai horreur de te voir comme ça. Mais pas la peine d'aller te cacher. Moi, je vois. Que tu es triste et prête à craquer. Chiquitita, raconte-moi. Et viens pleurer sur mon épaule. Dans mes bras, les amis, c'est aussi leur mot. T'avais pourtant confiance en toi. Et même si on t'a brisé les ailes, c'est son père.